Du 8 au 21 juillet 2019, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix de créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien. Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Avignon au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour la première de nos émissions de l'été Grand Large. Nous partirons à la rencontre des créateurs invités à cette 22e édition du théâtre d'outre-mer en Avignon et des artistes porteurs de cette culture française des Grands Larges. Vous nous écoutez sur le net sur verbeincarné.fr, en Ile-de-France sur Aligre FM 93.1 et à Marseille sur Radio Grenouille 88.8. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Thibaut Pasquier, bonjour. Bonjour. Avec nous également Laurent Robert, bonjour. Bonjour. Pour le spectacle La Trappe Dieu, avec nous Marjorie Nakache, bonjour. Bonjour. Et Xavier Marqueski, bonjour. Bonjour. Pour le spectacle Tous mes rêves partent de Gare d'Austerlitz à retrouver à 18h à la Chapelle du Verbe Incarné, je vous propose d'écouter un extrait de cette pièce de théâtre. Marjorie, vous signez la mise en scène de cette pièce. Comment s'est déroulée la rencontre avec le texte de Mohamed Kassimi ? J'avais demandé à Mohamed Kassimi, il y a environ 5 ans, de m'écrire un texte autour du racisme ordinaire. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés, parce que c'est un auteur dont j'aime beaucoup l'écriture. Je trouve que c'est quelqu'un d'incisif et ça fait du bien quand on travaille avec un auteur contemporain comme ça. J'adore les textes classiques, mais c'est aussi bien de travailler avec un auteur. Et puis comme ça a très bien fonctionné entre nous, on avait envie de retravailler ensemble. Et lui, il faisait des ateliers à la prison des femmes de Fleury-Mérogis. Il faisait des ateliers d'écriture avec elle. J'y suis allée avec lui. On a rencontré ces femmes. Et puis est née petit à petit l'idée de faire une histoire autour de leur histoire à elles. Alors c'est pas du copier-coller, hein. Il a fait plusieurs femmes, il a fait un personnage. Mais disons que c'est vraiment un sujet qu'il connaît bien et les femmes dont il parle sont toutes quelque part réelles. Même s'il y a aussi après la parole du poète et qu'il en a fait une pièce de théâtre. Mais ça part vraiment d'une réalité. Et puis parallèlement à ça aussi, chez nous, dans notre théâtre, à Stein, dans le 93, il est venu faire des ateliers autour d'une scène de « On ne badine pas avec l'amour » de Musset, qui est une scène magnifique qu'on a tous étudié dans nos cours de théâtre. Et on est dans le 93, donc c'est un territoire un petit peu spécial où souvent on se sent éloigné de la culture et encore plus des textes classiques. Et il a fait un travail autour de ça, parce que c'est un auteur, Musset, qui raconte, qui parle à l'intérieur de cette scène de la religion, des femmes, du rapport aux hommes, de la fidélité, de plein de choses qui ont beaucoup parlé à nos jeunes en particulier. Et il a eu l'idée à un moment de rassembler voilà, ces ateliers qu'il faisait chez nous et les ateliers à Fleury. Et ça a donné « Tous mes rêves partent de Gare d'Austerlitz ». Ce qui est très beau dans ce spectacle, c'est cette solidarité, cette amitié qui est essentielle finalement pour survivre quand on est enfermé entre quatre murs. Mmh. Et ça, on le ressent vraiment entre ces femmes. C'est vrai que c'est vraiment terrible parce que là, en plus, ça se passe le soir de Noël. C'est un soir particulier où pour des femmes, elles sont séparées de leurs enfants, de leurs amoureux. Elles se sentent plus seules que d'habitude. Il y a un moment, une des comédiennes qui dit « les filles tombent comme des mouches ces soirs-là ». Et c'est vrai qu'il y a des suicides à répétition dans la période de Noël qui sont très, très importants. Et là, ce soir de Noël, elles vont trouver en fait une solidarité dans un repas imaginaire et puis aussi dans le fait de tout d'un coup se mettre à jouer du théâtre et à prendre cette scène de Musset et de tout d'un coup se mettre à l'interpréter et à jouer et à tout d'un coup se rendre compte que ce texte qui leur semblait si éloigné d'elles, eh bien, il leur parle du plus profond de leurs entrailles, il parle d'elles et elles s'évadent par le théâtre. Et moi, je trouve que cette pièce est de la part de Cassimi un hommage à la littérature. Et ça résonne aussi par rapport à des gens qui ne sont pas forcément en prison, mais qui sont parfois très très loin de tout ça et où on se rend compte que bah, par le livre, par la littérature, par la culture, bah, on peut s'évader, on peut changer le monde quelque part. Alors effectivement, dans ce spectacle, le théâtre crée un vrai espace de liberté et d'évasion. Je vous propose d'écouter un extrait en rapport avec ceci. Donc, je suis dans le parc. Je pousse la grille car ce couillon l'a refermée. Bonjour, cousin. J'ai cru m'apercevoir, à tort ou à raison, que vous me quittiez tristement ce matin. Vous m'avez pris la main malgré moi. Je viens vous demander de me donner la vôtre. Aïe ! Je vous ai refusé un baiser. Le voilà. Oh ben d'accord. Vous aimez ça, un baiser ? Oh non, vous êtes pas sérieuses, là, les filles ? Bah, moi, j'aime bien cette pudeur. Mais oui, on est dans la suggestion. Mais y a pas de suggestion dans l'amour. On y va ou on y va pas. Mais vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Bah, quelque chose de vrai. Ouais, on veut des gémissements, de la passion, des palpitations, des soupirs, bordel. Pour que ça reste romantique quand même. Quand on touche au cul, on oublie le romantisme. Bon. Xavier, vous avez cofondé le théâtre de Stein. Alors hier, on recevait le critique de théâtre Gilles Costaz, qui a écrit justement sur ce théâtre en disant « Exemplaire studio théâtre de Stein, lumière de la banlieue nord de Paris ». Oui, je souscris à ce qu'il dit. Ce que j'aime bien dans la démarche de Tous mes rêves, c'est que la pièce rejoint en même temps dans ce théâtre, qui est vraiment la réunion de toutes ces cultures qui forment quand même notre culture à nous tous. Et en même temps, c'est un lieu de rencontre. On l'a joué dans d'autres théâtres à Avignon, où on est complètement séparés. Et on est vraiment chez nous, ici, dans la chapelle du Verbe incarné. Et en même temps, dans cette espèce de ville qui est la ville de la séparation. Entre le « in » et le « off », qui est une séparation violente, une séparation de culture, une séparation sociologique, financière, idéologique, philosophique, où il y a un bon théâtre d'un côté et un théâtre bon qu'on peut voir à la rigueur, mais qu'on se garde toujours de valoriser au même titre que celui du in. Et notre société est profondément divisée. Et souvent, à nos amis des DOM, POM, TOM, quand ils disent « Nous, nous sommes très éloignés de Paris », et on leur dit « Mais vous savez, nous sommes à 7 km de Paris et nous en sommes aussi éloignés que vous au-delà des vastes océans ». Et c'est la vérité de la société française qui repose sur une profonde division et sur une profonde injustice. Et ces femmes qui sont enfermées et qui sont véritablement recluses, oubliées, nous délivrent un message, le leur. Et à partir de leur message, qui rencontre celui du poète, celui de Musset, Cassimi réussit le prodige de nous faire parler de véritablement de ce qui nous touche à nous profondément et qui rejaillit dans notre société aujourd'hui, dans les troubles que nous traversons à travers les gilets jaunes et la protestation des plus humbles d'entre nous. Alors nous, notre petite lumière d'outre-mer à Avignon, c'est justement cette chapelle du Verbe Incarné. Je crois que c'est la troisième fois que vous venez ici. La quatrième. Mmh. D'accord. C'est un long compagnonnage. On se connaît depuis très très longtemps avec Greg. Et quand il a eu la chapelle, il n'arrêtait pas de nous dire « venez, venez, venez ». Et on disait « non, non, non ». Justement pour les raisons qu'évoquait Xavier, c'est-à-dire cette séparation constante qu'on vit déjà nous dans le 93 et que je trouve absolument incroyable ici en Avignon. Et il nous disait « oui, mais nous, chez nous, ça sera différent. Tu verras, je vais essayer de créer un lieu qui soit justement pour montrer les invisibles, pour les montrer, pour leur donner une chance de pouvoir montrer leur travail. » Et donc, on est venu. Et c'est vrai que c'était en 2003. Alors, je ne vous explique pas le choc, parce qu'il y avait la canicule, le combat des intermittents. C'était la première fois qu'on débarquait là. Ça a été la quatrième dimension. Le hymne qui se barre dans leur semi-remorque et qui s'en vont et qui nous laissent comme ça, les gueux, voilà, avec tous les gens à Avignon qui mettaient des grandes banderoles, merci Le Hoff de rester, voilà, c'était un truc absolument incroyable. Et voilà, et c'est pas un hasard si c'est ici qu'on revient, et c'est vrai que il y a un vrai compagnonnage, puis il y a une vraie communauté d'idées, je pense, très forte. Alors, en parlant justement, vous en parliez au départ du développement des ateliers de théâtre dans les prisons. C'est une initiative effectivement qui se développe beaucoup. On parlait du Festival d'Avignon, il y a Olivier Pie et Enzo Verde qui font ça depuis plusieurs années avec les détenus du centre pénitentiaire du Pontet. C'est indispensable d'instaurer cet espace de liberté, de respiration, d'évasion à l'intérieur de ces murs. Moi, j'en ai parlé. Cette pièce, nous l'avons jouée à Fleury. Je me suis battue et on s'est battue avec Nelly qui s'occupe de la bibliothèque de Fleury, qui s'est battue pour qu'il y ait des bibliothèques dans les prisons. Avant, c'était interdit. Elles n'avaient même pas le droit d'avoir les photos de leurs enfants. Hein. Et donc, elle s'est battue pour qu'il y ait des livres. Et donc, quand on est allé jouer à Fleury, c'était très important pour nous. Et la rencontre a été très importante parce qu'elle nous attendait le pied ferme, parce qu'on n'allait pas faire une pièce. Voilà, on parlait d'elle. Voilà, donc c'était. Et elles ont dit à quel point c'était important, effectivement. Moi, elles m'ont demandé de revenir et de faire une tragédie avec elles. Je pensais qu'elles allaient me demander un truc un peu rigolo, quelque chose qui les sortirait. Et non, elles voulaient monter une tragédie. Donc elles sentaient que la force du théâtre était aussi de pouvoir comme ça sortir des choses d'elles-mêmes et que c'était pas uniquement un jeu, que c'était vraiment presque une thérapie. Donc je pense qu'effectivement, c'est très important. Après, je pense qu'il y a une bonne conscience aussi de certaines personnes, de l'État en particulier, du ministère de la Justice plus particulièrement, qui donnent de l'argent pour qu'on fasse de l'occupationnel. Et quelque part, oui, il y a une bonne conscience de ça. Alors, c'est ambigu de dire ça, parce qu'en même temps, je pense que c'est super important qu'elles en bénéficient, mais il ne faut pas être dupe. Alors, on vous invite évidemment à découvrir ce spectacle « Tous mes rêves partent » de Gare d'Austerlitz tous les jours à 18h. Et on continuera à en discuter un petit peu plus tard. Thibaut Pasquier et Laurent Robert, vous venez nous présenter votre création « La Trappe-Dieu » qui se joue à 20h05 à la chapelle du Verbe Incarné. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait. Je ferai pourtant un rêve. Cette terre que vous foulez chaque jour se transformera en un oasis de justice. De liberté. Je rêve qu'un jour, tout vallon sera relevé et toute montagne sera rabaissée. Et ainsi, la gloire de Robin sera révélée à tous les êtres. Telle est ma foi, telle est mon espérance que je remporterai dehors. Avec une telle foi en Robin, nous serons capables de travailler ensemble, de lutter ensemble, d'aller en prison ensemble, de nous dresser ensemble pour la liberté, en sachant que nous serons libres un jour, pourvu que nous regorgions de silence, qui est l'élément le plus précieux de notre être. Se protéger. Être en équilibre. Alors, La Trappe-Dieu, c'est un spectacle qui commence par la fin d'un autre spectacle. Alors là, oui, c'est, C'est peu convenant. C'est, pardon ? C'est oui. peu convenant. Oui, le but, c'était de pousser aussi à... je vais essayer de faire un lien aussi avec Tous mes rêves partent de Guerre d'Austerlitz. Comment expliquer ça ? C'est que je pense que la littérature, l'imaginaire sont des choses qui sont nécessaires, vitales, quelle que soit la condition, encore plus en prison. Mais le théâtre est le vecteur, on pense, le plus prolifique, pour ça le plus facile aussi. Et donc, partir de la fin d'un spectacle qu'on dit extraordinaire, avec plein d'effets pyrotechniques, où on parle de la fin de la guerre, de la fin du monde, et qu'on pourra jamais montrer aux gens, mais on parle de trucs énormes qui sont passés, on trouvait que c'était le meilleur moyen de faire rentrer les gens dans notre univers qui est un peu barré. Voilà. C'est le plus simple, selon nous. Alors, j'ai entendu dire que vous vous étiez inspiré de Dostoïevski. Ouais, absolument. Allez, vas-y, champion. Ouais, ça a été le cœur de notre création. C'est-à-dire qu'on cherchait... Avec Laurent, on est passionné par les sujets qu'on ne peut pas encadrer. Que ce soit la philosophie, on a monté la République de Platon l'année dernière avec des jeunes étudiants. Et là, d'un seul coup, on s'est dit qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet qui n'a pas de frontières et qu'en même temps, on a tous à l'intérieur très profondément, dont on ne parle pas beaucoup. Mmh. Et on s'est dit, putain, les religions et les croyances, ça peut être quelque chose de magnifique. Laurent vient de La Réunion et ça semblait extrêmement logique aussi parce qu'à La Réunion, toutes les religions cohabitent et donc ils sont baignés là-dedans et il n'y a aucun problème. Et Dostoïevski est arrivé au moment où moi, personnellement, dans ma vie, j'allais dans un cloître pour me reposer. Juste en Bourgogne. En Bourgogne, pour me reposer du théâtre, parce qu'on sort à peine de l'école avec Laurent, il y a 5 ans. Et les écoles de théâtre sont très éprouvantes. Et donc, à la fin de ces écoles-là, pour restructurer une envie d'en faire, il y a besoin de se retirer parfois, de faire des grands voyages. Et moi, c'était aller dans un cloître pour fermer ma gueule et entendre personne parler. Et dans ce cloître, j'ai lu Dostoïevski et c'est devenu le cœur de notre... Ouais. Le cœur de notre spectacle. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans Dostoïevski, dans Les Frères Karamazov, il y a deux frères qui ne se connaissent pas vraiment, donc deux frères Karamazov, et qui, avant de se quitter, peut-être pour des années, peut-être pour toujours, arrivent à parler de la croyance en Dieu ou pas. Et c'est assez étonnant parce qu'on a fait le parallèle très vite avec Thibaut, c'est que Thibaut et moi, on a passé le concours de l'Irak, pour ne pas la citer, ensemble. On ne se connaissait pas beaucoup, on n'a pas échangé beaucoup de mots. Et assez vite, au bout de 2-3 phrases, on a parlé de nos croyances. Et dans un côté mysticisme avec le théâtre, je ne sais pas. Et très vite, on a parlé de ça, alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Donc il y a une espèce de parallèle qui s'est fait un peu, je pense, instinctivement entre ces deux frères qui se quittent et nous qui nous rejoignons sur ce sujet-là qui peut paraître très compliqué pour beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que le spectacle commence par le théâtre, par la fin du théâtre. Parce qu'on fait un lien très fort entre les croyances qu'on a au théâtre, c'est-à-dire pourquoi on y vient, pourquoi on s'assied, pourquoi on se tait, pourquoi on écoute, quelle confiance on fait dans ce qu'on va voir. Et donc les croyances, les fois, les religions. Ouais. Alors c'est un spectacle sur la naissance des croyances, mais aussi sur l'amitié, le lien qu'on sent très fort entre vous deux. Je pense que c'est un spectacle où on sentira notre amitié encore au début du festival, à la fin du festival on verra. Non, oui, parce que en fait c'est arrivé par accident, c'est-à-dire que pendant des semaines on a répété, on s'est dit voilà quel mécanisme entre en jeu dans la croyance, comment on peut parler de littérature là-dedans, comment on intègre nos croyances intimes, nos mythes personnels, un peu tout ça. Et puis au final, vers la fin des répétitions, quand elle est arrivée à la chapelle, on s'est dit, mais en fait, tout le spectacle, on a fait tout ça pour parler que de l'amitié, que du lien, des liens qu'on peut créer avec les gens. Et c'est en guillemets un thème par accident, mais c'est très beau parce que nous, on adore l'accident et un peu l'inattendu. Donc on est très heureux de dire ça aux gens, que pendant des années, on bosse là-dessus et que finalement, ce qui fait théâtre, en fait... Ce qui est plus important, quasiment, je vais dire des gros mots, mais le texte, le théâtre, c'est un prétexte à faire du lien avec des gens. Voilà. Et voilà. C'est pour ça qu'il y a l'essence du théâtre là pour nous. Et vous verrez aussi, mais le spectacle, il est vraiment basé sur le fait qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas. On est en tant que spectateur, on se demande en permanence si les acteurs ou les personnages, ou je ne sais pas trop quoi, sont en train de nous mentir par rapport au code du théâtre. Et le fait qu'on soit amis, je crois que se ressent énormément sur scène, presque tout de suite. Et nous, ça nous permet de jouer de moins en moins et d'être le plus au présent possible. Parce que je crois que c'est la plus belle chose qu'on a à donner et surtout c'est la plus belle chose qu'on a à casser aussi de s'en servir pour le spectacle et pour essayer d'étudier cette croyance, cette religion quoi. Je pense qu'il faut être plusieurs, il faut être beaucoup pour étudier ce genre de thématique sans se fighter et puis sans se séparer à la fin possiblement. Oui. On a la sensation que ça peut être un spectacle avec une forme d'évolution perpétuelle dans le temps. Oui, parce que suivant les gens qu'il y a, suivant les gens qui viennent voir le spectacle, ça évolue énormément. Il y a beaucoup d'improvisation dans le spectacle. Si par exemple, il y a quelques mois, on a montré une étape et il y avait des enfants qui au premier rang. Et c'est un spectacle qui parle beaucoup avec du Dostoïevski. Donc quand on a un enfant, on est toujours un peu perturbé par cette présence-là. Et en fait. L'enfant est venu à la fin du spectacle en disant « Je crois que j'ai tout senti, j'ai tout compris. » Et puis il nous a donné la résolution du spectacle presque qu'on n'avait pas vu. Et ce spectacle change énormément parce que d'un seul coup, tout ce qui est... Si on parle des croyances, c'est aussi pour parler de ce qui vient de la suite et pour parler des générations qui viennent et du monde qu'on nous a laissé, dans lequel on arrive nous, parce que c'est notre premier spectacle. Et qui a construit ce milieu-là, qu'il soit théâtral ou la... Enfin, je repense à Greg Germain et à la création de ce théâtre et tout ça. Et je vois une croyance extrêmement fort dans ce qu'ils ont fait, dans ce qu'ils ont construit, et nous on arrive là-dedans et on a quelque chose d'autre à construire, on sait pas trop quoi. Et donc ce spectacle, à chaque jour on se fait rire, on crée un nouveau spectacle avec Laurent à chaque fois. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport au travail de Greg Germain et de Marie-Pierre, c'est pour dire quand même que quand on traite et qu'on dit aux gens sous 40 degrés de chaleur et qu'on leur dit Chapelle du Verbe Incarné, il y en a plein qui font « Ah ouais, mais bien sûr, je connais, c'est toujours bien ». Le fait d'avoir un théâtre à Avignon avec une vraie philosophie, avec des vraies choses à défendre, avec des choix artistiques forts, risqués, mine de rien, ça veut dire beaucoup pour nous. Voilà, je pense pour nous tous. Alors j'en profite de vous avoir tous les quatre. Est-ce que vous avez vu les spectacles des uns et des autres à la chapelle? Qu'est-ce que vous avez vu, pas encore vu? Alors moi je suis allée voir le cri. Je suis allée voir le cri de mes racines. Voilà, c'est un très beau duo de femmes. J'avais envie de commencer par ça parce que voilà, c'est des femmes. Mais après j'irai voir un très beau duo d'hommes. Il en faut. Et c'est très beau parce que on parlait de liens tout à l'heure et elles sont au-delà de la danse, c'est-à-dire qu'il y a bien entendu cette interprétation, cette performance, puisque c'est la transmission d'une danseuse à une danseuse plus jeune d'une chorégraphie. Mais c'est aussi une histoire d'amour, l'amour entre ces deux femmes, quoi. Et c'est vachement beau parce que c'est dans ce qui ne se voit pas. Moi, j'ai été très, très sensible à ce spectacle et puis j'ai envie d'aller voir tous les autres. Xavier ? Moi, d'ici à la fin, j'irai voir tout. Vous irez tout voir. Pour l'instant, je suis la tête dans le guidon. Ah bah. D'ailleurs, ils peuvent en témoigner. Oh, oui. On est toujours dans la rue, du matin jusqu'au soir, à tracter. Et on a conscience, le fait que quand on tracte pour le spectacle, on tracte pour le lieu. Et c'est ça, c'est cette solidarité. Mais à partir, je pense, dans une dizaine de jours, ça sera beaucoup plus cool pour moi. Et là, j'irai voir tous les autres. Ah, moi j'ai rien vu. Hein. Ouais, moi, je mets en scène, je joue. Traître. moi aussi je mets en scène, je joue, j'écris. moi j'ai vu Le cri de mes racines et je ne vais pas dire plus de choses, mais voilà, c'est pareil. Il y a un truc où il y a des choses qui se passent et on n'arrive pas à expliquer, mais on arrive à ressentir. Ça c'est. Voilà. Donc là, spectacle exigeant, mais hyper intéressant, il faut le voir. Et j'ai vu aussi Kayas, ce duo de deux clowns et en même temps de deux personnes perdues en Nouvelle-Calédonie après un événement très violent. Voilà. Merci à vous quatre d'être venus nous voir. Donc on vous encourage évidemment à venir découvrir ces deux spectacles à la Chapelle du Verbe Incarné. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour Samana. Alors vous nous avez rejoint sur le plateau pour nous parler de votre portrait du jour. Qui avez-vous choisi ? Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de retrouver Louise avec qui nous avons travaillé l'année dernière, qui était là pour la toute première année de la radio du Thomas. Et donc voilà, elle est là, alors pas pour travailler avec nous malheureusement, mais par contre elle vient présenter un spectacle et elle va nous raconter tout ça. Je m'appelle Louise Ruby, j'ai travaillé l'année dernière à la radio du Thomas. pour le festival 2018. Et cette année, je reviens à Avignon par mes propres moyens, on va dire, puisque je viens avec ma compagnie que j'ai créée avec des amis il y a 2 ans. On a créé notre premier spectacle et comme on était encore une majorité d'étudiants, on a participé au concours national du CROUS, donc de création théâtrale, et on est les lauréats du premier prix. Et donc, notre premier prix, c'est d'avoir 3 dates à Avignon pendant le festival à l'Université d'Avignon. Alors, la pièce s'appelle « Envolée ». C'est une création collective, une création de plateau à partir d'impro. Ensuite, il y a 2 de nous 2 qui ont écrit, Camille Bernauda et Stéphane Boyer. Et ensuite, à 4, avec Quentin Favrier, on a fait le travail de dramaturgie. Et tous les 4, on s'est rencontrés en cours de théâtre. Et donc, on s'est rendu compte que ce qui nous parlait ensemble, vraiment, c'était ça. Qu'est-ce que c'était un peu notre idée du théâtre? Et nous est venue l'idée de faire du théâtre dans le théâtre. Et à partir de là, on a choisi une pièce de Boris Vian, qui est une comédie musicale qui s'appelle Mademoiselle Bonsoir. Et donc, nous, on joue une troupe de théâtre. Qui a décidé de monter Mademoiselle Bonsoir? C'est le sort de la première. Et très très vite, le théâtre s'envole et ça interrompt la représentation de Mademoiselle Bonsoir. Le public s'est évidemment envolé avec nous. Et à partir de là, c'est vraiment toute la question de « Ok, il y a le public, nous on voudrait continuer à faire notre spectacle, mais en même temps on est dans une situation de stress et on n'y arrive pas. » Et le stress fait ressortir toutes les angoisses et toutes les crises internes qu'il peut y avoir dans une compagnie jusqu'à ce qu'on... Peut-être on vient de nous sauver. Les dates, c'est mardi 9 juillet à 15h et mercredi 10 juillet à 15h à l'université et donc jeudi 11 juillet à 17h30 au Conservatoire d'Avignon. Enfin, moi j'avoue que quand j'ai fait La Chapelle du Verbe Incarné l'année dernière, j'étais dans l'équipe du théâtre, donc je faisais pas partie des compagnies. Et ben vraiment, pour moi, ça a été une expérience assez incroyable. J'avoue que quand l'équipe est repartie cette année, ils nous envoyaient des messages et tout, j'étais super émue, je me disais « Oh là là, j'ai trop envie d'être avec eux et j'ai trop hâte de les retrouver à Avignon ». Travailler avec le Thomas l'année dernière, c'était super chouette parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de compagnies et comme la philosophie du Thomas, c'est quand même qu'on se rencontre tous, qu'il n'y ait pas vraiment de différence entre l'équipe du théâtre et les compagnies, ben, j'ai pu discuter avec tout le monde, j'ai pu voir comment ça se passait, j'ai pu découvrir plein d'horizons différents. C'était un peu comme une grande famille. C'était une super belle expérience l'année dernière. Presque j'avais peur que, en venant là, parce que du coup je viens qu'une semaine, d'être frustrée finalement de ne pas pouvoir participer à tout et de ne pas être là, de ne pas faire tout le festival. Parce que j'ai eu une expérience de festival qui était quand même hyper enrichissante et hyper heureuse. Je souhaite au Thomas pour ce festival 2019 d'avoir plein d'auditeurs sur grand large. Parce que l'année dernière c'était les débuts, on a commencé, on a eu beaucoup d'auditeurs, mais j'espère qu'on en aura encore plus cette année. Et j'espère que tous les spectacles vont marcher du feu de Dieu parce que je suis déjà allée voir quelques-uns d'entre eux et ils sont tous très bien. Donc j'espère que ça va marcher. Merci beaucoup Marie-Cécile pour ce portrait de la semaine. Avec plaisir. À demain. Marjorie Nakache, vous avez choisi de nous lire un extrait des Nouveaux Chiens de Garde de Paul Nizan. Une guerre qu'on panthéonise, la crise qui gronde, des colonies qu'on pressure, les vieillards qui gouvernent, une université qui s'anémie, la gauche qui fait honte. Voilà à quoi ressemble la France de Paul Nizan quand il revient d'Aden avec l'intention d'en découdre. Renverser l'irréversible, ou si l'on préfère, refuser de voiler les misères de l'époque. Le vide spirituel des hommes, la division fondamentale de leur conscience et cette séparation chaque jour plus angoissante entre leur pouvoir et la limite réelle de leur accomplissement. Énoncé dans Les Chiens de Garde, un tel programme semble presque rajeuni par la longue hibernation du livre qui ressurgit aujourd'hui. Ah, la violence verbale, le pamphlet, le brûlot. Nous a-t-on assez suriné que tout cela serait bien daté, dépassé, inutile, que la colère, la seule qui vaille, ce fut la leur, la dernière, celle qu'ils ont expédiée 100 000 fois dans les articles des quotidiens qu'ils dirigent, dans les ouvrages des maisons d'édition qu'ils quadrillent, dans les émissions de télévision qui les font voir. Cette colère de « quand ils étaient jeunes », qu'ils ont enseveli sous une barricade de mai dont on nous a fait depuis visiter chaque pavé. Avec le récit de leur jeunesse, ils ont compté nous interdire de respirer la nôtre. Comment ne serions-nous pas un peu tentés d'emprunter à Nizan sa colère, de douter qu'ils furent vraiment sincères, de ne plus pouvoir imaginer leur rébellion autrement que comme une étape dans un plan de carrière. Nos chiens de garde à nous ne viennent pas de l'université. Certains ont lu Kant et parlent de philosophie, mais pour servir de bouffons cultivés au dîner de la bourgeoisie. Ils aimeraient être Zola pour accuser leurs victimes ou Malraux pour installer le désespoir. Ils n'ont jamais risqué la prison ou combattu en Espagne, jamais consenti d'autres sacrifices que celui de leur présence à une réception pour participer à un plateau de télévision. Qu'aurait écrit Nisan sur nos intellectuels sans œuvre, ceux qui, jouant aux philosophes, se sont installés dans le champ médiatique pour monnayer le crédit consenti à l'intelligence, raffermir la puissance des puissants et éterniser l'ordre des choses. Pour le moment, la marche du monde demeure conforme à leurs vœux. La politique économique maintient le cap. Pris il y a 20 ans, la loi du marché s'étend, la pauvreté la suit. Et garantissant le tout, la communication engourdit l'intelligence. Mais demain, que restera-t-il de cette pédagogie de la soumission si s'approfondit la crise d'une mondialisation qui prétendit mettre un terme à toutes les crises et à l'histoire même ? Nisan observait, que font les penseurs de métier au milieu de ces ébranlements ? Ils gardent encore leur silence, ils n'avertissent pas, ils ne dénoncent pas, ils ne sont pas transformés, ils ne sont pas retournés. L'écart entre leur pensée et l'univers en proie aux catastrophes grandit chaque semaine, chaque jour, et ils ne sont pas alertés ? Et ils n'alertent pas ? L'écart entre leurs promesses et la situation des hommes est plus scandaleux qu'il ne le fut jamais. Et ils ne bougent point. Ils restent du même côté de la barricade. Ils tiennent les mêmes assemblées, publient les mêmes livres. Tous ceux qui avaient la simplicité d'attendre leurs paroles commencent à se révolter ou à rire. L'actualité des chiens de garde, nous aurions cependant préféré ne pas en éprouver la robuste fraîcheur. Nous aurions aimé qu'un même côté de la barricade cessât de réunir penseurs de métiers et bâtisseurs de ruines. Nous aurions voulu que la dissidence fût devenue à ce point contagieuse que l'invocation de Nisan au sursaut et à la résistance en parut presque inutile. Car nous continuons à vouloir un autre monde. L'entreprise nous dépasse, notre insuffisance épuise notre persévérance. Souvenons-nous alors de ce passage par lequel Sartre a résumé l'appel aux armes de son vieux camarade. Il peut dire aux uns « Vous mourrez de modestie, osez désirer ». Soyez insatiables, ne rougissez pas de vouloir la lune, il nous la faut. Et aux autres, dirigez votre rage sur ceux qui l'ont provoquée. N'essayez pas d'échapper à votre mal, cherchez ses causes et cassez-les. Merci pour cette belle découverte. Vous écoutez Grand Large sur la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon. Nous allons écouter le deuxième épisode de notre série Archives d'outre-mer consacrée à Édouard Glissant. Comme hier, il est puisé dans la conférence donnée par le poète après la lecture en créole de son poème Les Indes par le comédien Rudy Siller le 12 juillet 2009 à la chapelle du Verbe incarné. On écoute d'abord une phrase de cette lecture pour entendre la langue créole, puis les paroles d'Édouard Glissant qui nous parle aujourd'hui de l'universel. Ces marins ont été en l'air l'infini l'océan. Ils arrivent connaître tout sens perdu. Ils arrivent savent qu'ils n'ont là l'asile Zéduya tenu debout. Ça n'a pas souffert. Nommant les lomea qu'a payé pour payer à qui wainea. La notion d'universel est créée pour permettre de passer d'un particulier de l'enfermement à un contact avec le monde dans sa généralité. C'est ça l'universel. L'universel, c'est ce qui permet de transformer, disons, des valeurs particulières en valeurs proposables à tous. Par conséquent, l'écriture devient une espèce de propension à à sublimer, à transcender des valeurs et à les rendre généralisables, ce qu'on appelle universel. Cette fonction de l'écriture est liée immanquablement à l'exercice de la langue et d'une langue. Toutes les langues européennes, par exemple, pendant un temps assez long, les Français considèrent que la langue française, il n'y a pas mieux. Les Anglais considèrent que la langue anglaise, il n'y a pas mieux. La méconnaissance de la langue de l'autre fait l'enfermement dans sa propre langue. Ce qui fait que la notion d'universel, il y a un universel français, il y a un universel anglais, c'est pas le même. Et pourtant, la notion d'universel, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un universel, des valeurs universelles, etc., etc. Mais si on gratte un peu, on voit que c'est pas vrai. Les valeurs sont pas les mêmes. Les choses changent à partir du moment où les spiritualités et les cultures sont mises en contact les unes avec les autres, se touchent, se repoussent, s'attirent, se combattent dans une totalité monde. Et les choses changent pour des raisons multiples. La première, c'est que les contacts des langues entre elles démultiplient les langues. Pas seulement parce que des mots d'une langue entrent dans une autre, ça n'a aucun intérêt. Ça ne dérange pas et ça ne perturbe pas l'unité interne de chacune de ces langues. Qu'est-ce qui fait qu'une langue devient inextricable? Qu'est-ce qui fait qu'une langue devient on peut plus lui appliquer des règles visibles et compréhensibles, parce qu'on ne peut plus appliquer de règles visibles et compréhensibles aux langues. Qu'est-ce qui fait ça? Eh bien, ce qui fait ça, c'est que les langues, dans le contexte de la totalité monde aujourd'hui, non seulement sont en contact les unes avec les autres, mais sont en contact avec la totalité. C'est la chose nouvelle qui envahit les langues. C'est-à-dire que ce soit une langue écrite ou une langue orale, aujourd'hui, toutes les langues sont en contact avec la totalité monde. Et ça, c'est extraordinaire du point de vue de l'existence d'une langue. La langue, non seulement elle n'est plus enfermée dans les limites de la communauté et de la spiritualité ou de l'intellectualité ou de la géophysique ou de la communauté, mais elle est en contact avec une totalité monde qu'elle est obligée à la fois d'imaginer par l'imagination et d'imaginer par l'imaginaire. Et ça, c'est une condition absolument nouvelle de la situation des langues qui fait qu'on dépasse aujourd'hui considérablement les notions d'écriture et les notions d'oralité. Yeah. Archives d'Outre-mer, ce sont des extraits d'archives sonores enregistrés au Toma. Elles sont à retrouver intégralement en podcast sur le site verbincarne.fr. Notre invité journaliste du jour de ce mardi 9 juillet se nomme Christian Tortel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes reporter culturel à Franço et vous êtes venu nous parler d'un spectacle de la Chapelle. Eh oui, je suis venu vous parler d'un spectacle de la Chapelle. J'ai choisi parmi les pièces que j'ai vues, je ne les ai pas toutes vues, donc ça ne sera absolument pas un palmarès, mais en tout cas, j'ai choisi de vous parler de Caillasse. J'ai vu Rémi Leduc et Rémi Vacher, les deux comédiens qui interprètent ces deux bagnards calédoniens. On remonte à la fin du 19e siècle, c'est l'Iphigénie qui emmène les premiers transportés. Mais c'est presque le seul pan d'histoire, on n'est même pas obligé de le savoir. On sait qu'on est dans les rêves de ces bagnards ou de ce bagnard qui compte double. Ils sont deux, ils sont habillés pareil, ils ont des costumes matelassés, ils portent des lunettes d'aviateur. C'est apparemment loufoque, on se dit ça va être des gags, ça va être des gags. Bon voilà, et puis on peut rire grossièrement aux gags. Et c'est d'une légèreté folle. Quand ils tractent, ils... poudroie à Avignon par des plumes. Et la plume, c'est ce qui va conclure peut-être le festival, mais en tout cas leur spectacle. Et donc, ils impriment une énorme légèreté pour dire quelque chose de grave, c'est qu'il y avait des bagnards. Très souvent, les spectacles de Calédonie ou la littérature calédonienne peut être plombée par l'histoire, parce que l'histoire est grave. On a vu qu'il y avait eu un référendum en novembre dernier. Donc, tout ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose de grave et d'important. Là, on l'oublie presque. On est dans leurs rêves, dans leurs chimères. Un polochon se transforme en fusil. Leur lit devient musical. Leur performance de xylophone à deux autour du lit est extrêmement aboutie. On se dit qu'ils ont travaillé beaucoup pour arriver à harmoniser quelque chose. En plus, leurs clés à pipe, elles deviennent des objets de jonglerie. Je trouve ça inouï. Inouï, enfin, c'est pas le bon mot puisqu'on les entend très bien, mais c'est vraiment inattendu. Et quand on a vécu, il se trouve comme moi, 4 ans en Nouvelle-Calédonie, on connaît un petit peu cette histoire-là, et d'arriver à s'échapper de, à s'extraire de, à s'émanciper de références qui peuvent être lourdes, je trouve ça que c'est une belle performance. C'est artistiquement très abouti. Vous savez, quand on arrive en Nouvelle-Calédonie, quand vous ne connaissez pas, on vous met un manuel de CM2 entre les mains. C'est une histoire qui a été faite à parité entre historien kanak et historien caldoche. C'est pour dire qu'on est toujours dans ce processus-là de « il faut une parité même dans les paroles ». Donc là, quand on arrive et qu'on réussit à s'échapper de l'histoire tout en étant très calédonien parce qu'on trouve des choses et que l'on convoque Tex Avery, Laurel et Hardy, les Marx Brothers, on peut en imaginer, on a l'impression que ce sont deux personnages, deux dessins animés qui se sont échappés et qui nous racontent une histoire pour nous. Ils nous ravissent. Bien, merci beaucoup, Christian Tortel, d'être venu nous faire part de vos impressions. Et évidemment, on vous invite à découvrir ce spectacle. On retrouve Estelle Laurentin, qui va nous parler du Cotton Club. Oui, bien sûr. Le spectacle, on a donné l'horaire de Caillasse. Alors, Christian, c'est à quelle heure? C'est pas en ce moment, hein, puisqu'il est 18h passé. Voilà. Mais c'est dans l'après-midi, c'est à 16h30 et ça dure une heure, mais on ne voit pas le temps passer. Waouh, merci. Alors, nous, tous les deux jours, on va vous proposer un choix musical fait par l'émission Coton Club de Radio Grenouille, notre partenaire à Marseille. C'est son animateur, programmateur, journaliste DJ Stéphane Galland, alias Monsieur Watt, qui partage sa passion pour les musiques de l'Atlantique noir sur les ondes de plusieurs radios et lors d'événements marseillais comme le 6e continent, Afrodélique ou Décalément. Lehman, je ne sais pas comment on dit. Donc c'est lui qui choisit pour grand large des morceaux de jazz, musique caribéenne s'il en est. Et nous dit-il, le jazz connaît depuis quelques années un retour inspiré vers ses sources syncopées et dansantes, retour opéré par des jeunes musiciens depuis Londres, Paris ou de l'autre côté de la mer vers une musique à la fois savante et populaire enracinée en Afrique et présente aux vents musicaux du monde entier. Donc, grâce à notre Stéphane Galland passionné, on va écouter aujourd'hui La Sirène de Maher Bourroy. Alors, basé à la Martinique où il est né, après avoir parfait sa formation à Paris et à Boston sous l'égide de Jacques Schwartzbartz, ce pianiste et chanteur vient de sortir son premier album, Wacha, bourré de lyrisme et de rythmes subtils. Je lis les mots de Stéphane Galland. La sophistication y est constamment mise au service du discours poétique. Et donc, on va entendre le morceau La Sirène. C'est chez Déclic Jazz. Et puis, tout de suite, c'est sur Grand Large. En jour, mois décembre, la cascade pour baigner. Moi tombe un petit champ qui s'attire. Souris, faut me l'encourir, descendre. J'en vais moins bord de l'eau. Ibo-moi, il dit-moi, chérie. Sois à moi pour la vie. À peine moins souris, faut me l'encourir, descendre. J'en vais moins bord de l'eau. Ibo-moi, il dit-moi, chérie. Sois à moi. Alors, moi descends la cascade pour baigner. Il dit, moi chérie, chantez-moi. Mes mains là, qu'a dit. Doudou, c'est où moi, ouais, c'est où moi, allez. Doudou, c'est où moi, ouais, c'est où. Doudou, c'est où moi, ouais, c'est où moi, allez. Doudou, c'est où moi, ouais, c'est où moi, allez. Doudou, c'est où moi, ouais, c'est où moi, allez. C'est où moi, ouais, c'est où moi, allez. Thank you.